sont inventés d'impalpables dieux, protecteurs et sans défaut. Justicier tourmenté, s'approchant de l'odieux, fondateur de l'échafaud. Ils se sont rassemblés dans un système insidieux, constructeur de porte-à-faux. Ils ont colonisé, se croyant supérieurs, pas deux minoritaires. Ils sont très effrayés de ce qui vient d'ailleurs, anti-réglementaire. Ils ont fabriqué le fusil mitrailleur et la bombe nucléaire. Mais pourquoi, bon Dieu, faut-il que je sois né sur cette planète? J'ai de l'eau dans les yeux quand je regarde la télé, y'a quelque chose de pas net. C'est vachement ennuyeux, on est emprisonné par des gens malhonnêtes. Même si c'est judicieux, on s'est manipulé comme des marionnettes. Des marionnettes. Cette planète. Cette planète. Planète, ça c'est sûr, c'est planète, planète, planète. Ils ont établi maladroitement une structure basée sur l'avoir. Ils les plongent dans un absurde système arbitraire. Ils ont installé d'innombrables barrières entretenant la peur, la peur. Chômage et immigration, réfugiés, politique d'évacuation. Attention, voilà les flics de faction. Acharnés, ils en perdent la raison. Information, mensonge de télévision. Publicité, violation d'opinion. Prohibition, j'en ai une indigestion. Société, consommation, prostitution, répression. Ils ont pollué l'eau et fait fondre les glaciers. Ils ont mis leurs drapeaux sur des gratte-ciels en acier. Ils ont sorti des couteaux pour des requins financiers. Tuer les marginaux et brûler les sorciers. J'ai de l'eau dans les yeux quand je regarde la télé, y'a quelque chose de pas net. C'est vachement ennuyeux, on est emprisonné par des gens malhonnêtes. Même si c'est judicieux, on se fait manipuler comme des marionnettes. Des marionnettes. De cette planète. Ah, cette planète. Planète.